universitaire apostolique CUA d'Abomey Calavi, créé le 19 mars 2006. Sa vision, voir le règne de Dieu augmenter dans le cœur des étudiants. Il est situé à Zobadje, cité La Victoire. Thème de l'année 2024 au CUA, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Le département du multimédia et de la communication DMC du CUA vous invite à suivre attentivement la prédication du dimanche 30 juin 2024 avec l'assistance du Saint-Esprit. Orateur du jour, Dr Darius Tosavi. Nous bénissons le Seigneur qui nous offre cette grande opportunité de partager encore sa parole ce matin. Nous irons ouvrir nos Bibles, nous irons directement dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 19, du premier verset jusqu'au dixième. Luc 19, verset 1 au verset 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Prions. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir pour cette grâce que tu nous accordes ce matin pendant que nous sommes devant toi. Oui, je pense personnellement ne pas être capable, Seigneur, de quelque chose. C'est pourquoi je voudrais que tu fasses ma personne, et Seigneur mon Dieu, et que tu fasses entendre rien que ta voix à ton peuple au nom de Jésus. Que nous sortions d'ici tous ensemble, Seigneur, fournis encore parce que l'Éternel Dieu nous aura enseigné et éduqué. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, car tu es là déjà. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous rendons grâce à l'Éternel pour son amour et sa bonté dans nos vies. Lui, le Dieu, le roi des rois, l'incompréhensible, le Dieu incomparable, le Dieu qui est bon, le Dieu qui est clément, le Dieu dont la générosité est sans pareil. Lui qui identifie avec soin et grand intérêt nos besoins et nos motivations que nous n'arrivons même pas à exprimer. Lui qui appela Noé et mit en lui l'esprit d'obéissance pour qu'il sauve ainsi sa famille. Lui qui distingua Abigaïl par sa sagesse fine et un discernement de qualité pour qu'elle sauve sa famille. Lui qui a donné au centenier de manifester l'exemple d'une grande foi pour sauver sa famille. Et oui, ce matin, notre Dieu choisit de nous parler de quelqu'un dont les caractéristiques le rapprochent de ces hommes qui aujourd'hui ont comme coutume de méprendre le monde. C'est des gens qui ont l'argent, ils ont la vie en rose, ils ont des maisons sur des maisons, la table à manger bien fournie et garnie, les habits et les autres accoutrements de grande valeur. Ils ont l'autorité et le pouvoir de décision. Ce sont ces types de personnes qui aujourd'hui sont capables, oui, de créer, pendant que nous sommes au Bénin, on peut parler donc de ces conflits liés au domaine. Ils peuvent aller chercher des papiers fallacieux pour faire dégager une famille installée sur ces propres installations depuis des décennies. Ces gens d'hommes, ils sont nombreux. Et l'un d'eux que la Bible fait distinguer ce matin, c'est celui dont le nom est sorti à plusieurs fois tout à l'heure dans le texte que nous avons lu ensemble. Ce monsieur s'appelle Zachée. Zachée, oui, comme on l'a dit, pouvait avoir toutes les possibilités de manipuler les hommes. Mais quelque chose d'intéressant et de particulier va se produire chez ce monsieur. Nous découvrirons donc un Zachée riche, mais qui devient hospitalier et très bon envers les autres. C'est pourquoi le message de ce matin sera titré « Zachée sauve sa famille par son hospitalité et son altruisme ». Zachée sauve sa famille par son hospitalité et son altruisme. Notre message sera développé simplement en deux petits points. Le premier point, qui est Zachée? Qui est Zachée? Et le deuxième point, les fruits de la transformation. Les fruits de la transformation. Dans ce deuxième point, nous parlerons de l'hospitalité et ensuite nous parlerons de l'altruisme. Et enfin, nous allons conclure. Alors, qui donc est Zachée? Quiconque parmi nous peut dire qui et quel type de personnalité est Zachée? Oui, le texte de Luc nous relate que Jésus était de passage dans Jéricho. Il quitta le Jourdain à environ 2 kilomètres de Jéricho et il était en partance donc pour Jérusalem, la ville où il allait mourir bientôt. Arrivé dans la ville de Jéricho, il va se produire quelque chose. Il y eut un mouvement d'effervescence et tout le monde accourut se planter aux abords de la voie. Que se passe-t-il donc? Attention, c'était Jésus, le Fils de Dieu qui était de passage. Rappelons-le, dans le chapitre 18, Jésus avait guéri un homme atypique. C'était l'aveugle qui mendiait aux frontières de Jéricho. Alors, est-ce que après cette guérison opérée, Jésus a-t-il convoqué quelqu'un pour dire « Rencontre-moi sur la voie de Jéricho » Je crois que non. Mais la foule était insupportable. La rue était bondée. Oui, en effet, les bonnes actions parlent toujours d'elles-mêmes. Alléluia. Elles se savent sans qu'on ait besoin d'un crieur public. Et dans cette foule, il y avait un homme. Il s'appelait Zachée. Dis avec moi Zachée. Et le verset 2 nous précisera qu'il est chef des publicains. Il est responsable des collecteurs, c'est-à-dire ceux qui collectent les taxes. Il est le responsable aux impôts et aux douanes, si vous voulez. Bref, il a un statut social bien important. Très bien important. Donc Zachée, avec tout cela, était donc très riche. Il était un homme riche. Et ceux qui d'habitude font ce boulot de douanier ou d'imposteur, comment vous les appelez, ils n'ont jamais été bien vus parce qu'à la fin de l'année, ils viennent nous dresser des factures dont on ne sait pas vraiment comment les calculs se font. S'il y en a ici qui m'excusent, je sais que vous avez des logiciels, mais bon, nous on s'en plaint. Alléluia. Zachée n'était pas bien vu. Et dans la société, on estimait donc que c'est un escroc. Au-delà de cela, Zachée ne prenait pas l'argent donc du peuple pour faire évoluer la ville de Jéricho. Mais au contraire, cet argent était versé alors aux Romains. Quoi de plus pour qu'il soit méprisé? Mais à la fin du verset 2, on apprend que ce Zachée est aux caractéristiques véritablement importantes dans une société comme celle de Jéricho. Alors cherchait à voir qui était Jésus. Zachée aussi voulait rencontrer Jésus. Puissant, riche, autorité comme lui. Alors qu'est-ce qu'il voulait chercher? Qu'est-ce qu'il voulait trouver avec Jésus? Pouvait donc se demander. Et c'est là que la vraie histoire commence. Il avait cet intérêt envers la personne de Jésus. Et il va rencontrer, malheureusement pour lui, un grand obstacle. Impossible pour Zachée de voir Jésus, car la foule était assez nombreuse. Mais Zachée, lui, était particulier parce que sa taille ne lui permettait pas de voir au-delà de tous les hommes et de toute la foule. Eh bien, on peut se demander pourquoi Dieu aussi lui-même fait des choses pareilles. Pourquoi c'est celui-là qui devait chercher à le voir? Et pourquoi la foule ne pouvait quand même pas lui frayer le chemin? Je crois que c'est impossible lorsqu'on se rappelle donc de ces histoires, de cette dame qui cherchait à voir Jésus, cette dame qui souffrait donc de la perte de sang. Oui, pour aller à Jésus, c'est pas souvent facile. Alors, rencontrant cette difficulté, il aurait été facile pour Zachée d'abandonner. Mais son désir de voir Jésus était si fort. Il y a un adage burkinabé qui dit « Un seul coup de bâton ne tue pas le serpent. Il faut plusieurs coups. » Alors Zachée décide de trouver un autre moyen. Au verset 4 de Luc 19, nous allons découvrir que Zachée a commencé à courir devant toutes ces foules. Il cherchait donc à improviser son moyen de trouver Jésus. Il alla monter donc rapidement sur un arbre qui se trouvait providentiellement sur le chemin, afin de s'assurer de ne rien manquer par rapport à son objectif. Alléluia. Le ridicule pouvait donc embarrasser Zachée, vu son autorité au sein de Jéricho, vu sa posture. Comment un homme aussi puissant comme lui peut chercher à aller s'implanter dans un arbre? Il court d'ailleurs pour aller retrouver l'arbre. On pouvait se demander, mais quel est son problème? Il est devenu fou? Non, Zachée n'était pas fou. Il cherchait juste le moyen de voir l'homme le plus important. Il cherchait l'homme qui pouvait donc lui apporter quelque chose de nouveau à sa vie. Zachée va entendre résonner dans ses oreilles lorsque Jésus serait donc sous cet arbre. Il dira, aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Zachée descend donc de ce sycomore. Alléluia. J'imagine donc le cœur de Zachée sauter lourdement dans son corps et que son être entier puisse sentir une sorte de chaleur mélangée à une fraîcheur. Et c'est ce que va nous montrer la suite. Parce que la Bible dit que aussitôt Zachée entendu donc ces paroles de Jésus, il se hâta de descendre. Il descendit avec joie et il s'en va recevoir le Seigneur. Il s'est tourné désormais vers Jésus. Et la suite sera que sa vie sera totalement changée et transformée. Alléluia. Dans la chanson de la chorale tout à l'heure, il nous est dit qu'il n'y a pas de pécheur que Dieu ne put donc accepter. Quel que soit ce que tu es, quelle que soit ton offense, quel que soit ton péché, quelles que soient tes attitudes, aussi mauvaises qu'elles puissent être, Dieu, par son Fils Jésus, est prêt à t'accueillir et te transformer. Et c'est cela que nous allons découvrir par la suite. Parce que la vie de Zachée transformée, il va passer de l'homme mauvais, détesté par le peuple de Jéricho, à l'homme bon. Et c'est là les fruits de la transformation. Deuxième point. Dans un premier temps, l'hospitalité de Zachée. J'imagine donc Zachée en train de vouloir ouvrir le portail de sa maison à Jésus. Zachée qui au départ pouvait avoir un gardien romain encore certainement, avec des armes bien positionnées au fronton de son portail. Je vois un étranger venir chez Zachée et le protocole auquel il devait être soumis avant d'entrer dans cette maison devait être très rude. Sûrement, certains ont essayé par le passé, mais n'ont pas pu accéder à la maison de Zachée. Soit le chef est en réunion, soit le boss dort, soit le patron a dit de ne pas toquer à sa porte. Mais là maintenant, il va se produire quelque chose. C'est que c'est Zachée lui-même qui va ouvrir le portail de sa maison. Lorsque le maître dit « Toi, je demeure chez toi aujourd'hui », je vois comment notre Zachée d'hier cherche donc à libérer le passage pour que le maître entre. Et il dira donc au gardien « Mets-toi de côté, aujourd'hui c'est moi-même qui suis aux affaires ». Zachée devient hospitalier du coup et disponible pour manifester cette hospitalité, cette bonté de cœur envers Jésus. Et au-delà de Jésus, on peut comprendre lorsque plus tard, il dira dans cette formule magique, lorsque quelqu'un, je lui dois, alors qu'est-ce que je fais? je lui donne le quadruple de ce que je dois lui rembourser. Oui, au-delà de Jésus, Zachée ouvre donc désormais son cœur. Qu'est-ce que l'hospitalité, frères et sœurs? Oui, on doit comprendre. L'hospitalité, c'est la manifestation de la générosité. C'est la manifestation du bon cœur, de la bienveillance envers les autres, envers toute personne dont on ne veut forcément pas tirer un profit ou un bénéfice. Alléluia. Dans Romains 12, au verset 13, Paul pouvait écrire « Exercez l'hospitalité, pourvoyez aux besoins des saints. » Et dans Hébreux 13, verset 1 à 2, il est écrit « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Oui, sans le savoir. Et 1 Pierre 4, verset 9 à 10 pourrait donc conclure « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. » Sans murmure. Quelqu'un est sur ce passage? Sans murmure. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ainsi, vous serez de bons intendants des biens que le Christ vous a donnés. Alléluia. L'hospitalité, donc, est un moment de service tourné vers les autres. Une de nos motivations doit être l'amour. C'est un temps pour mieux se connaître, un temps pour mieux vivre la communion fraternelle, pour avoir le temps de discuter, de partager, de se conseiller réciproquement, échanger et de s'offrir ensuite un repas. Je vais entendre quelqu'un dire un repas. Oui, un repas. Oui, le repas ne veut pas dire prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures pour préparer quelque chose, non. C'est symbolique. Comme le disait tout à l'heure Hébreux 13, certains ont logé des anges en exerçant l'hospitalité. Au-delà de la probabilité de loger donc des anges, c'est surtout que l'on reçoit pour bénir et partager ses biens avec autrui, avec quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui nous n'avons pratiquement rien à recevoir en retour. Mais que parfois, nous pouvons être surpris de la façon dont finalement nous sommes nous-mêmes bénis. Oui, en exerçant l'hospitalité, l'Éternel nous retourne cela autrement. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne doit pas être en train de s'attendre à ce retour. C'est pourquoi, dans la définition même déjà, il a été clair, ne s'attendre à aucun profit. Alléluia. Ce moment de communion fraternelle est très important pour nous aujourd'hui. Je me rappelle qu'il y a environ un an, le pasteur Avocetien disait ici, lors d'un culte de Sainte-Seine, il nous exhortait à procéder, oui, à ce genre d'activités et d'événements qui peuvent regrouper plusieurs personnes autour d'une assiette, autour d'un plat, autour d'un moment festif pour partager donc notre communion. Ma question serait par exemple, combien de fois tu l'as organisé? Non, je me pose la question d'abord pour ne pas vous vexer. Combien de fois je l'ai déjà organisé? Non. Je devrais plutôt demander, est-ce que quelqu'un d'abord se rappelle qu'il y avait un tel propos venant de l'homme de Dieu? C'est sûr qu'il y en a qui ont oublié. Combien d'entre nous alors se rappellent que le jour-là, malheureusement ou heureusement, cette exhortation du pasteur faisait suite à une prédication du pasteur Georges qui allait dans la même direction? Malheureusement, à vous qui vous en souvenez, que le Seigneur donc vous mette à cœur d'aller l'appliquer. Mais à ceux qui ont essayé d'appliquer, que l'Éternel fortifie votre obéissance. Et à nous qui avons oublié, que l'Éternel nous mette à cœur de nous lever. Vous priez pour nous-mêmes et que désormais nous puissions aller à l'application. Alléluia. Oui, c'est un peu drôle, mais en réalité c'est ça. Notre vie chrétienne n'est pas grande chose, mais c'est basé sur juste de petits actes. Et c'est ce que nous devons comprendre. On pourrait se dire, mais de quoi disposais-je pour offrir une telle communion avec mes frères et sœurs? Il ne s'agit pas de vendre ni d'exposer toutes ses possessions. Parce que quelqu'un dira, Je n'ai pas de belles assiettes. Je n'ai pas de bons plats. Non, le cadre dans lequel tu es et tes conditions suffisent largement pour que tu partages avec un frère ou une sœur ce que tu as de plus modeste. Ce n'est pas une opération de charme. L'idée, c'est d'être utile à quelqu'un d'autre et non à soi-même. Être utile à soi, c'est vanter ses propres disponibilités pour que l'étranger puisse comprendre que vous aussi, vous disposez quand même de bonnes choses, des choses de valeur. Ce n'est pas ça ce qui est essentiel. Si vous réfléchissez à cela comme ça, alors vous avez oublié le bon sens de l'hospitalité. C'est plutôt une disposition de cœur et d'esprit à partager avec les autres. Oui, mais aujourd'hui, on comprend que ça peut être un peu compliqué parce qu'il y en a qui abusent. Ils peuvent abuser. Je ne vais pas être direct. Oui, peut-être que vous en distinguez déjà. Je voudrais dire à ceux-là, vous aussi, vous devez également manifester la même hospitalité. C'est pourquoi c'est certes difficile, exigeant, à contre-courant de notre culture qui est en mutation avec les tendances de la société actuelle qui ne permettent plus donc d'être ensemble. Oui, c'est risqué parfois d'exercer l'hospitalité. Oui, on comprend, mais Dieu nous y exhorte et nous demande de nous y engager. Je ne dis pas cela pour qu'un jeune garçon ou une jeune fille seul puisse aller se mettre quelque part pour dire nous sommes en train d'exercer l'hospitalité l'un envers l'autre. Non, pardon. Il ne faut pas nous créer encore d'autres problèmes. Que le Seigneur bénisse notre entendement. Aujourd'hui, nous pouvons voir au-delà de l'hospitalité un autre caractère, un autre élément important qui puisse également aider dans notre vie, dans la manifestation de notre vie chrétienne. C'est l'altruisme. De quoi parle-t-on? L'altruisme aussi est une disposition de caractère qui conduit à s'intéresser, à se dévouer, à se consacrer et à vouloir faire le bien aux autres. Les aider à faire preuve de générosité envers eux sans toujours rien attendre en retour. C'est donc un sentiment très désintéressé d'amour pour autrui qui peut être développé par instinct ou par décision personnelle. Cela est en opposition à ce que nous pouvons appeler l'égoïsme, car c'est plutôt l'ensemble des penchants bienveillants envers les êtres humains. Disons des sentiments donc qui sont à l'origine de l'être social, moral, éthique. Oui, en tant que tel, l'altruisme peut être caractérisé de générosité exagérée, une générosité au-delà de l'hospitalité. Et quelqu'un dont le nom est Mathieu Ricard, un essayiste français, pouvait dire « En cultivant la qualité des relations humaines, le lien social, le sentiment d'appartenance, la bienveillance, la sollicitude, la passion et l'amour altruiste, nous avons beaucoup de chances de triompher ensemble. Nous imaginons très peu la force et le pouvoir de la bienveillance, le pouvoir de la transformation positive qu'une attitude altruiste véritable peut avoir sur nos vies, au plan individuel et partant sur la société tout entière. Bien-aimés, sachez que notre époque est sous l'influence de beaucoup de défis, beaucoup de challenges relationnels et surtout, oui, des défis relationnels. Sinon, comment pourrons-nous arriver à concilier les impératifs de l'économie, de la recherche du bonheur et du respect de l'environnement? Dans ce monde en proie aux intempéries, aux catastrophes, les situations de famille en détresse, des pères absents pendant que les mères et des sœurs sont obligées d'aller vendre leur corps pour assouvir aux besoins quotidiens. Des esprits chauffés, pour ne pas dire surchauffés, d'impatience parce que tout tourne en rond. Des jeunes qui attendent le premier emploi, des espoirs du lendemain qui sont transformés en des cauchemars d'existence, des minutes de joie qui peuvent rapidement se transformer en des pleurs pendant des heures, la misère qui s'attache à la peau et l'instinct de survie qui ne se développe que par la barbarie, la tuerie et surtout par des actes de révolte. Oui, c'est cela le monde aujourd'hui. Et les politiques de développement ont complètement échoué. Et les politiciens eux-mêmes n'ont d'égard que pour leur personne, parce qu'ils sont orientés tout simplement vers l'égoïsme et l'égocentrisme. Que devons-nous faire, chrétiens? Que devons-nous faire, frères, sœurs du CUA? Nous ne sommes pas sans savoir que l'une des terminologies aujourd'hui employées partout, c'est le réchauffement climatique, qui ne fait exception d'aucune contrée. En sciences économiques, on dira plutôt qu'il y a le déclin de la croissance économique. Je laisse donc le reste à votre réflexion. Avec toutes ces choses qui déchirent les cœurs et le monde, d'éminents hauts gradés de la société intellectuelle, pourrons-nous dire qu'il faut faire appel à l'intelligence artificielle? Et la politique déplorera plutôt l'implication des opposants et des djihadistes. Mais qu'est-ce qu'eux-mêmes ils font? Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Et c'est pourquoi la Bible va nous proposer l'altruisme. Si on se rappelait qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'altruisme, chacun de nous devait savoir comment se comporter pour que ces désastres que nous venons de citer tout à l'heure, ces phénomènes que nous venons de citer tout à l'heure, ne soient pas d'actualité. Oui, ce sont des impératifs qui sont à lire aujourd'hui dans le présent, dans le futur proche et dans le futur lointain. Et tout cela en rapport avec notre intérêt personnel, en rapport avec les intérêts de nos proches futurs et en rapport également avec tout le monde entier. Hier comme aujourd'hui, l'altruisme reste et demeure une nécessité. Alors, pendant que certains pourront expliquer la chose par une quelconque émancipation de l'homme, oui, qui lui permet donc de s'individualiser au sein de la société, ma question pour nous pourrait être de savoir pourquoi alors on l'appelle société. Pourquoi? Si c'est tout cela qui doit caractériser l'homme, l'individualisme, tout par et pour soi et seulement, alors pourquoi c'est une société? Si alors une société se définit comme un groupement d'individus d'une même espèce qui présente une structure sociale caractéristique, quelle est alors la caractéristique au sein de la société humaine, si ce n'est que l'individualisme? Et c'est là que 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 8 nous recommandera donc la générosité. 2 Corinthiens 9, 7 à 8. Une étude a montré que les Japonais ont une durée de vie plus importante. Et pour quelle raison? Tout simplement parce qu'ils partagent. D'ailleurs, ils naissent, ils vivent ensemble, ils partagent leur joie et leur peine, et ils meurent ensemble. Oui, et partager leur joie et peine nous rappelle une chanson dont notre chorale est devenue la vedette désormais. Cette chanson de G.G. Viquet, ils partageront leur joie, ils partageront leur peine. Et cette chanson est souvent chantée lorsque nous sommes en train de parler des mariés. Et lorsque vous demandez à l'un ou à l'autre, il vous dira c'est parce que je l'aime. Je l'épouse parce que je l'aime. Eh oui, l'aime. Mais en tant que chrétien, lorsque Dieu devra manifester son amour pour la première fois envers nous, oui, dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit « Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi ? Il a donné. » On souligne le verbe « donner ». Il a donné. L'altruisme, donc, chers amis, repose sur l'amour et le bienfait désintéressé. Dans nos villages, par le passé, quelqu'un peut se rappeler que pour construire une case, plusieurs personnes, pour ne pas dire tout le village, presque ensemble, se mettent autour et en activité. Les uns pour apporter l'eau, les uns pour creuser le sable, les uns pour pétrir le sable, les autres pour apporter le sable qui a été déjà pétri et qui est déjà mis en boule pour la superposition et puis le mur sera construit. D'autres seront en train de dire, alors moi je vais préparer. Et ensemble, tout le monde finit par souper. Ensemble, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Presque pas possible. C'est cela la société aujourd'hui. Dans l'église, personne n'est disponible pour personne. Les frères ne sont pas prêts pour les frères, les sœurs ne sont pas prêtes pour les sœurs, tout le monde parle de tout le monde, et puis voilà, c'est comme ça, ça se passe. Nous devons changer notre attitude. Oui, à Cotonou, qu'est-ce qu'on dit souvent? Grand frère, bon, en fait, vous voyez, non, on est tellement surchargé. C'est pas grand frère, hein? Moi-même j'ai dit ça et je dis ça toujours. Oui, on est tellement surchargé. Les va et les vient sont en train de nous occuper. Plus personne ne s'occupe de son second, mais il y a plusieurs manières d'être utile envers son prochain. Et c'est ce que nous devons apprendre à développer. Penses-tu à toi ou penses-tu aux autres? Zachée, je conclue ainsi, après son passé trouble avec l'argent, en termes de relations avec les humains, est venu et a rencontré Jésus. Jésus lui a ouvert les bras et il a dit, aujourd'hui, je demeure chez toi. Certains pouvaient ne pas comprendre ce qu'il dit pas, je demeure chez toi. En réalité, Jésus désormais met la paix dans la maison de Zachée. Parce qu'il a désiré le rencontrer. Et nous, nous avons déjà fait ce pas. Vous et moi, nous sommes allés à la rencontre de Christ. Nous l'avons déjà accepté. Zachée a alors utilisé l'hospitalité et il a également usé d'altruisme. Je voudrais qu'on revienne donc sur ce verset pour conclure. Le verset 9. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que, alléluia. Le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous étant sauvés, que devons-nous faire pour sauver le reste? Est-ce déjà par l'usage de l'hospitalité? Est-ce déjà par exercice de l'altruisme? La parole nous est donnée, comme on dit souvent, nous avons désormais le pouvoir de décision. Zachée a décidé et sa vie a été transformée et il a pu transformer également le monde autour de lui parce qu'il a rendu ce qu'il devait rendre et il accepte désormais tout ce qu'il devait accepter. J'imagine au sein de sa communauté de professionnels comment ça va se passer. Mais oui, il a accepté parce que c'est Jésus qui était au contrôle. Jésus étant au contrôle de ta vie, frères et sœurs, nous devons nous souvenir que nous sommes juste des intendants de nos biens pour le bonheur des uns et pour le bonheur des autres. Que Christ bénisse sa parole. C'est la fin de cette prédication. Que Dieu bénisse votre écoute et vous donne la force d'appliquer sa parole. Centre universitaire apostolique CUA. Pour tout renseignement sur le centre, veuillez composer le +229 95 30 54 28.